c'est cramé, projet par terre haché. Y'a plus rien dans le cervelet, détenu dans une cellule. Ma jeunesse comme la mort pour qu'elle circule. Ne la tourne pas au ridicule. Jeunesse arrogante, flingante, à la fuite d'une race blanche, un jour la honte. Chaque jour la rend encore plus méchante. Elle n'est pas alléchante, sois pas collant avec elle, ou tu finiras avec du plomb dans l'aile. Ma jeunesse pète les dents, car y'a plus de 3 ans. Fait des choses insensées, mais ne mords pas à la meçon. Elle a jamais de remords, elle a toujours raison. Même quand elle a tort, à ma jeunesse, ne fais pas de reproches. Vive à ses proches, droite, droite, droite, gauche. C'est hoche, normal, c'est ma ville, hoche. Ma jeunesse, nuit et jour, lutte contre l'État. Car elle ne va, c'est les balles qui parlent. Ma jeunesse a trop la dalle, pile les bons que les tabacs. Le sac vient à mal, ne la bouffe pas. Ou tu termineras à poil dans la malle. Faut bien graille, ça, faut de la maille. Ma jeunesse, ni grisou, battu depuis et graille. Faut de la maille. Jeunesse en détresse, mis à part par le système. J'insiste même si plus rien ne vaut la peine. Mal au cœur, j'ai de la peine. J'suis souffrant, mais j'suis grand. Tout se France depuis mon enfance. J'vois tant de différences et de souffrances. La jeunesse est en détresse, elle tape des traits de cesse. Les nerfs en là c'est comme des tresses. Elle fume, boit, croit que ça la déstresse. Elle se voit fort en insultant sa maîtresse. Elle se croit au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus de moi. Elle se fout tout, elle a plusieurs toits. Y'a plus de miskina, qu'est-ce qu'il y a? Petit frère veut tous les droits depuis qu'il a un puissant crochet du droit. Ma jeunesse séchait l'école, traînait les halls, se faisait la malle après un vol. Sans aide, sans elle, fallait bien qu'elle s'envole. L'État nous blesse, nous baise, mais on ne crie pas au viol. La jeunesse de violence, elle raffole. La routine, la merde, elle en a ras-le-bol. Elle consomme de la bombe comme on a le bombe. Elle veut finir blindée avant qu'elle tombe, ou finir dans une tombe. Elle se jeunesse en détresse, mis à part par le système. J'insiste même si plus rien ne vaut la peine. Mal au cœur, j'ai de la peine. J'suis souffrant, mais j'suis grand. Tout se France depuis mon enfance. J'vois tant de différences et de souffrances. Ma jeunesse est dangereuse pour ta santé. Elle veut pas finir à Fleury, âgée à la santé. Quand elle lève le ton, elle n'est pas en train de plaisanter. Elle assure son train-train, toujours au quartier. Les deux décollés, elle rêve de s'envoler. Magouille pour voir ses rêves se réaliser. Ma jeunesse est cramée, 6h du mat, du balcon tu peux la voir sauter. Ma jeunesse ne lâche pas l'affaire, elle crache pas sur un billet. Ma jeunesse roule en YZ, elle traîne pas à pied. Et après ton passage au 3D, tu peux circuler. Plus rien à voir, pas besoin d'insister pour en ravoir. Ma jeunesse a les chicots aiguisés comme un rasoir. Se remet en place, à tes deux bouts, te fait rasseoir. Ma jeunesse aime boire tous les soirs. Faut diffuser des boîtes au vidère, mais des boîtes enfermées dans une boîte où tout le monde boit. Jeunesse en détresse, mis à part par le système. J'insiste même si plus rien ne vaut la peine. Mal au cœur, j'ai de la peine. J'suis souffrant, mais j'suis franc. Tout se France depuis mon enfance. J'vois tant de différences et de souffrances.